Joseph Sabiyabandi. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à ce journal et dont voici les principaux titres. La Commission électorale nationale indépendante CENI vient d'annoncer que Louis a remporté la victoire de l'élection référendaire avec le taux de 73,24%. Le non n'a récolté que 19,34%. L'abbé Karito Sinioyitungye a été trouvé mort ce lundi dans son bureau. La police et ses proches ignorent qu'il s'agit d'assassinat ou de suicide. Un malfaiteur jusqu'ici non identifié a blessé hier par balle le curé de la paroisse Nyabihanga. Nous sommes en province Moaro. Il était dans son salon car l'agresseur l'a tiré dessus. Et plus de 400 victimes et des inondations qui ont frappé le quartier Kiyang 1 en zone Ebutelele réclament des tentes pour s'abriter. Ils disent que c'est ce dont ils ont besoin pour aller s'installer dans leur parcelle. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La Commission électorale nationale indépendante a publié les résultats provisoires du vote référendaire qui a eu lieu au Burundi en date du 17 mai courant. Dans une séance de présentation de ces résultats, le président de la Commission électorale dit que Louis a remporté la victoire avec un taux de 73,26% alors que le non a été voté à 19,34%. Pierre Claverne d'Aïchalier ajoute que les abstentions sont estimées à 3,28%. Il a en outre précisé que le taux de participation s'évalue à 96,24%. Et sur la page de sécurité encore sans vie de l'abbé Karito Sinioyitungye a été découvert dans l'après-midi de ce lundi dans son bureau situé à l'évêché de Gitega. Certaines sources de la communauté des prêtres en sont indignées. Ils disent qu'ils ne comprenaient pas la cause de ce drame. Le défunt était le secrétaire adjoint de l'organisation diocésaine pour le développement de l'archidiocèse de Gitega au DAG. La police annonce avoir déjà débuté une enquête. Toujours sur la page de sécurité, il défonce Sabu Kwigina, curé de la paroisse Nyabihanga, nous sommes en province Moaro, a été fusillé par une personne et non encore identifiée la nuit dernière aux environs de 21h. L'administrateur communal de Nyabihanga fait savoir que ce prêtre se trouvait dans son salon et qu'il a reçu 3 balles à la jambe, au bras et au niveau de la poitrine. Il précise qu'il a été conduit à l'hôpital pour des soins médicaux. Des enquêtes sont déjà en cours pour identifier les auteurs de ce crime, renchérit cette autorité communale. Un groupe de 8 jeunes hommes de la commune Tangara de la province Ngozi sont au cachot de la police Ngozi depuis le matin de ce dimanche. Ils ont été arrêtés au chef-lieu de la province Ngozi. Ces jeunes affirment qu'ils se rendaient à Gitega, mais la police dit avoir trouvé que ces jeunes, que certains d'entre eux se rendaient en Tanzanie à la recherche du travail. La même police promet qu'elle va consulter l'administration afin de ramener ces personnes chez elle. Sur la page humanitaire, plus de 400 victimes des inondations de Kiyang 1. Nous sommes en zone Ebutelele de la commune urbaine de Nahangwa. Demandent une aide constituée de tentes pour aller s'installer dans leur parcelle en attendant la reconstruction de leur maison. Ces derniers expliquent qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés dans des lieux de regroupement. Le chef de quartier Kiyang 1, Patrice Sibomana, indique avoir soumis cette question aux bienfaiteurs. Les détails, c'est dans ce reportage signé Évariste Nzikobanyanga qui s'est rendu sur les lieux. Cette femme est l'une des victimes des inondations du mois d'avril, regroupée dans des tentes construites ici et là au quartier Kiyang 1. Faisant face à d'énormes difficultés, ces derniers demandent une aide d'urgence constituée de shitting pour se relocaliser dans leurs parcelles respectives. Nous demandons aux âmes charitables de nous procurer des moyens pour que nous puissions nous relocaliser dans nos parcelles respectives. Nous n'avons pas de l'eau potable, nous n'avons pas de latrine. La situation est vraiment déplorable. À cela s'ajoute le manque criant de nourriture. À part ça, ces familles contraintes de quitter ce quartier inondé sollicitent une main forte pour la reconstruction de leur maison et l'octroi des tôles pour les couvrir. Cela étant, certaines des familles victimes sont en train de fabriquer des briques. Ces dernières demandent aussi l'assistance pour pouvoir reconstruire leur maison. Nous avons vraiment l'ambition de retourner dans nos parcelles, mais nous n'avons pas de moyens pour reconstruire nos maisons d'habitation. Tous nos champs ont été détruits. On avait demandé des tentes en premier lieu et en deuxième lieu de nous aider à reconstruire nos maisons. Ceux qui le peuvent, le gouvernement y compris, pourraient nous procurer des tôles pour couvrir nos maisons une fois reconstruites. Le chef de quartier Kiang 1 indique avoir soumis les doléances de sa population à l'endroit des bienfaiteurs. Patrice Sibomana tranquillise. La Croix-Rouge nous a promis d'aider des tentes et les installer dans les parcelles respectives de cette population sinistrée. La police de la protection civile avait aussi promis d'aider pour l'aménagement de ce territoire inondé. Nous attendons qu'ils mettent en application leurs promesses, tout en attendant que le gouvernement et les autres âmes charitables puissent donner des taux pour couvrir leurs maisons à la fin de la reconstruction. Plus de 418 ménages de Kiang 1 ne sont pas dans leur maison à cause de la rivière Mutimbuzi qui a dévié, inondant différents quartiers de la zone de Buterere. Merci à Evariste Nzikobanyanga. Et sur la page éducation, la passation du concours national édition 2017-2018 est fixée en date du 5 au 7 juin prochain. Et l'effectif des candidats s'élève à plus de 99 000 écoliers. Le secrétaire permanent au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement primaire et secondaire, Léopold de Javialimana, demande à la commission chargée de préparer ce concours de le faire conformément aux normes. Suivez-le. Nous avons donc l'honneur de proclamer la date de passation de ce concours fixée du 5 au 7 juin 2018 sur toute l'étendue du pays. L'effectif des candidats attendus s'élève à 99 025, tous régulièrement inscrits en classe de 9e année fondamentale. Il n'y a donc aucun candidat autodidacte. Le concours portera sur les 6 épreuves suivantes. Les mathématiques, langue 1, français Kirundi, langue 2, anglais Swahili, sciences et technologies, sciences humaines et entrepreneuriat. Le concours se déroulera dans 1015 centres de passation. Et au niveau des ressources humaines mobilisées, une équipe de 12 concepteurs des épreuves sont regroupés dans ces lieux pour préparer les questionnaires qui seront administrés aux lauréats de 9e année avec l'appui des techniciens de la RPP. Nous exhortons les concepteurs à travailler en toute sérénité et en collégialité, en respectant les lois et règlements du centre de conception et en veillant constamment au contenu des programmes en vigueur et aux normes techniques de l'évaluation. Aux élèves concernés, de se préparer en toute confiance aux parents de les encadrer et de les encourager. Toutes les parties prenantes à l'organisation et à la passation du concours sont mobilisées pour garantir le bon déroulement du concours sur tout le territoire national. Les travaux de construction des stands et dans certains marchés récemment réhabilités en mairie de Bujumbura arrivent à un niveau satisfaisant. Dans les marchés comme Kinama et Jabé où nos reporters ont pu passer ce lundi, le constat est que seuls les travaux de finissage restent. C'est au moment où 4 parmi les 7 marchés réhabilités seront ouverts dès la fin de ce mois de mai. Reportage signé Gertrude Mawenayo. C'est au marché de Jabé récemment réhabilité en commune Mukaza de la mairie de Bujumbura. À l'intérieur de ce marché, beaucoup de nouveaux stands sont alignés et presque tous sont couverts avec des tôles. Des travaux qui sont en train d'être réalisés à l'intérieur de ce marché consistent à lier les matériaux de construction des stands à l'aide d'une soudure et à cimenter les fondations de ces stands. Le constat est également que la plupart des stands sont déjà peints et qu'il en reste seulement quelques-uns qui ne sont pas encore peints. Au marché de Kinahama, se trouvant en commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura, la situation n'est pas la même que celle du marché de Javé. Là, même si les stands sont construits, ils ne sont pas encore couverts et même leurs côtés ne sont pas encore érigés pour la plupart des stands. Alors que les travaux de construction de ces stands semblent être suspendus au marché de Kinahama, certains des concernés précisent que les matériaux de construction des stands sont épuisés et qu'on attend l'arrivée des commandes faites pour pouvoir continuer avec les travaux. C'est au moment où la mairie de Bujumbura a récemment sorti un communiqué disant que les 4 marchés parmi les 7 récemment réhabilités, dont le marché de Kinahama, Jabe, Musaga et Ruziba, seront ouverts à partir du 30 du mois en cours. Merci à Gertrude Mhawenayo. Sur la page sport, l'équipe nationale burundaise de football de moins de 20 ans va continuer de jouer les matchs éliminatoires des pays qui participeront l'année prochaine au Niger dans la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. C'est après avoir battu ce dimanche la formation soudanaise sur un score de 2-0 dans le match retour. Sur l'agenda du mois de juillet, le Burundi croisera le fer avec la Zambie. Les détails avec Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Les compétitions éliminatoires des équipes nationales de moins de 20 ans ont continué dans sa troisième tour fait de week-end. Samedi, le 19 mai, 4 matchs ont été joués. L'Égypte a été battue à domicile par le Sénégal 1-0. La formation de Guinée a battu la Mauritanie 3-2. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont dominé la formation gabonaise 2-0. L'équipe nationale Amavubi de Rwanda a égalisé 1-0 avec la Zambie. Ce dimanche, le 20 mai, plusieurs matchs ont été joués. L'équipe nationale de la Tanzanie s'est inclinée 1-4 devant le Mali. Bénin a battu Gambie 2-0. Guinée-Bissau a été battue par Super Eagles de Nigeria sur le score 1-0. L'équipe nationale de Malawi a dominé la formation d'Angola sur le score de 4-1. Congo-Brazzaville a battu à domicile l'équipe de Botswana 3-0. Bafana Bafana d'Afrique du Sud a battu la Mozambique 3-0. L'équipe nationale Black Stars de Ghana a battu Algérie 2-0. L'équipe nationale burundaise Intamba Murugamba a dominé à domicile le Soudan 2-0. Vous saurez que le match aller qui s'est déroulé au stade Rukundo de Ngozi, ces deux équipes avaient égalisé 1-0. L'équipe nationale burundaise est la seule équipe de la communauté est-africaine qui reste dans ces compétitions. La Tanzanie, l'Ouganda et le Rwanda ont été éliminés. Le Burundi croisera le fer avec la Zambie dans les matchs prévus le mois de juillet. Merci à Jean-Marie Vianney Ngendakumana et c'est sur cette actualité sportive que nous refermons ce journal. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. La Commission électorale nationale indépendante CENI vient d'annoncer que le oui a remporté la victoire de l'élection référendaire avec un taux de 73,24%. Le non n'a récolté que 19,34%. Et un malfaiteur jusqu'ici non identifié a blessé hier par balle le curé de la paroisse Nyabihanga en province Mwaro. Il était dans son salon quand l'agresseur l'a tiré dessus. Et l'abbé Karito Sinioyitungi a été trouvé mort ce lundi dans son bureau. La police et ses proches ignorent qu'il s'agit d'assassinat ou de suicide. Et plus de 400 victimes des inondations qui ont frappé le quartier Kiang 1 en zone Ewutelele réclament des tentes pour s'abriter. Ils disent que c'est ce dont ils ont besoin pour aller s'installer dans leur parcelle. Et le concours national est programmée du 5 au 7 juin prochain. Près de 100 000 écoliers sont attendus pour passer cette sélection. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.